Nibigira. Et tout ça, Mitebouti assure la mise en onde. Bonsoir, bienvenue à cette édition, la dernière de ce 29 décembre 2018, dont voici tout d'abord les principaux titres. Le président burundais Pierre Nkurunziza dit n'avoir pas été plus par le fait que les correspondances qu'il a récemment échangées avec son homologue ougandais ont été rendues publiques. Vous l'entendrez au début de cette édition et son point de vue par rapport au dialogue inter-burundais. Et après que le président burundais déclarait ce vendredi que le leader du parti FNL, Amizero Yabarundi, constitue un obstacle pour son agrément, Agathon Rwasa, le vice-président de l'Assemblée nationale et président de la coalition Amizero Yabarundi, se dit surpris. Vous l'entendrez également. Et malgré l'accident de roulage contre le chanteur burundais Désiré Muganidi Big Fizzo dans la province de Kayanza, le programme des concerts reste maintenu, rassure le chargé de la communication. Et à la fin de cette édition, je vais céder la place à Jean Bosco Nduimana et Francine Ndiokougaï pour la revue de la presse. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonsoir. Politique, pour débuter cette édition, le président de la République, Pierre Nkurunziza, critique le fait que les correspondances échangées entre lui et son homologue ougandais ont été rendues publiques. Dans une émission publique tenue ce vendredi en Ngozi, le numéro 1 burundais a trouvé nécessaire l'envoi de cette correspondance pour prouver que le Rwanda n'est pas un bon voisin. Il réaffirme que le gouvernement burundais ne dialoguera jamais avec les auteurs du coup d'état manqué en 2015. Suivez le président de la République, traduit en français par Placide Niyomungeri. Les lettres échangées entre le président burundais et celui de l'Ouganda, président en exercice de la communauté est-africaine, sont authentiques. Mais le fait qu'elles ont été rendues publiques ne nous a pas plu. Et on rassure les Burundais que nous ne sommes pas auteurs de ces publications. Ça a pris l'origine ailleurs. On a écrit une correspondance compte tenu du rapport qui nous a été adressé sur la 5e session du dialogue inter-burundais à laquelle les auteurs internes n'ont pas pris part. Généralement, c'était un piège, mais Dieu merci, on a pu voir la position des uns des autres. Nous avons trouvé que le rapport qui nous avait été transmis concernait les auteurs du coup d'état manqué qui voulaient passer par le médiateur afin d'achever leur mission facilement, mais nous ont trouvé vigilants. Nous leur avons signifié qu'ils veulent passer sous silence la question principale entre le Burundi et le Rwanda, parce que les auteurs du coup d'état manqué ne sont que des exécutants. Les commanditaires les ont par après hébergés. Certains se trouvent en Belgique et d'autres au Rwanda. La question entre le Burundi et le Rwanda a été soumise non seulement à l'EAC, mais aussi à la CIRGL, à l'Union africaine, mais également à l'ONU, mais n'ont rien dit. Alors un sommet extraordinaire des chefs d'État de la région est plus que nécessaire, parce que cette question n'est pas à prendre à la légère. Vraiment, devant Dieu, nous voudrions informer que le Burundi n'a pas de mauvaises intentions pour le Rwanda, mais c'est le contraire pour le Rwanda. Et nous le dirons toujours, le gouvernement n'acceptera jamais le dialogue avec les auteurs du coup d'État manqué en 2015, hébergé par d'autres pays. Qu'ils le sachent. Et concernant la question en rapport avec la demande d'agrément du parti d'Agathon Rwasa, le président Nkurunziza répond que la faute incombe au contenu de sa demande. Il rassure qu'une fois les lacunes corrigées, ce parti sera immédiatement agréé. Encore une fois, le président de la République, Pierre Nkurunziza, traduit en français, toujours par Placide Niyomungeri. C'est bien qu'il ait songé à fonder un parti et on l'encourage. C'est même ce qui est recommandé par la Constitution et la loi régissant les partis politiques. Si quelqu'un veut créer un parti politique, le gouvernement est là pour l'aider à ce que son parti soit agréé en respectant la loi. C'est pourquoi on ne va pas dire que la faute est du gouvernement, ni même de l'honorable Agathon Rwasa. C'est seulement les documents qu'il a déposé qui cause problème. Le ministère en charge de ces dossiers et même la Cour constitutionnelle ont relevé certaines irrégularités. Qu'il les corrige alors. Si cela est fait plus tôt, demain après-demain, son parti sera grillé. À ce sujet, Agathon Rwasa, président de la coalition Amizero Yabarundi, dit avoir déposé tout ce qui lui a été demandé en vue de l'agrément de son parti. Il dit avoir été surpris par la déclaration du président de la République. Suivez. D'abord, j'ai été surpris parce que le ministre nous a adressé une correspondance le 8 novembre en insistant sur l'article 27 de la loi régissant les partis politiques. Nous nous sommes confirmés à son écrit que nous avons reçu le 12 novembre dans la matinée. Dans l'après-midi, nous avons déposé ce qui était demandé, les modifications qu'on devait opérer par rapport au dossier qui avait été déposé presque 2 mois auparavant. 2 jours après, c'est-à-dire le 14, on a déposé les autres modifications qui restaient. Depuis jusqu'à maintenant, on ne sait pas ce qui se passe. J'ai même tenté de rencontrer le ministre de l'Intérieur qui a en charge la gestion des partis politiques. Malheureusement, jusqu'à présent, il n'a pas pu être disponible pour qu'on puisse analyser ensemble ce dossier pour voir s'il y a une ou autre entrave à cet agrément. Alors, je ne sais pas si le ministère a bien communiqué à l'autorité ce qu'il en est. Sinon, telle est la situation qui se présente. Et je ne sais pas maintenant à quel sens on voulait. De toute façon, tout ce qu'on devait faire par rapport à cet article-là, on l'a fait. Maintenant, la balle est plutôt dans le camp du gouvernement. C'était Agathon Rwasa, président de la coalition de Amizero Yabarundi, numéro 2 de la Chambre basse du Parlement. La réaffirmation du président burundais ce vendredi en conférence publique qu'il ne briguera pas un autre mandat en 2020 devrait être accompagnée par l'acte. Selon l'acteur politique Tassian Sibomana de la coalition Amizero Yabarundi, le plus important de respecter le principe d'être le garant numéro 1 du respect de la constitution suivie. Nous avons pris acte et nous sommes là pour observer que la parole sera respectée, comme on dit qu'il faut joindre la parole à l'acte. Le moment venu, on va apprécier si réellement il a tenu parole. Comment apprécions-nous la chose? D'abord, vous savez très bien que la constitution burundaise est claire là-dessus. Aucun président de la République n'a le droit de briguer un troisième mandat. L'essentiel, c'est de dire le chef de l'État, ici comme ailleurs, est le garant numéro un du respect de la Constitution. Que ce soit sur la question du mandat ou sur une autre question qui l'oblige à violer la Constitution, il ne doit pas accepter. Quel que soit le genre de catégorie de personnes qui l'obligerait ou qui obligerait un chef d'État quelconque à violer la Constitution, il a l'obligation de ne pas lui prêter l'oreille attentive. Même s'il s'était question de mandat, il faut qu'il respecte le principe sacro-saint d'être le garant numéro un du respect de la Constitution. Toujours en page politique, les associations de la société civile qui œuvrent sur le territoire national disent avoir bien accueilli la déclaration du chef de l'État ce samedi qu'il ne pourra pas passer outre sa décision de ne pas se faire élire au présidentiel de 2020, même si les Bagumnyawanga de CNDD-FDD le lui demanderaient. Le président de l'association Ministère africain de compassion l'a dit ce samedi après une marche manifestation qui a eu lieu dans les rues de la capitale avec l'objectif de s'inscrire en faux contre les étrangers qui s'immiscent dans les affaires politiques du Burundi. Suivez plutôt Aimé Pascal Nahimana dans la traduction française d'Evariste Ndikobanyanga. Turarishima kandi cyane kandi murazi noneho nuko abarundi ari ngombwa yo kumuntu atavuga ngo rimwe bumve bisaba ko umuntu aguma ashimangira arahira itariki 20 z'ukumunane muri 2015. Nous avons bien accueilli le discours du chef de l'État. Vous savez vous-même que pour satisfaire les Burundais, il faut chaque fois répéter pour qu'ils puissent être convaincus. Lors de sa prestation de serment en 2015, il a dit que c'était son dernier mandat. Chez nous, dans les associations de la société civile, nous trouvons que c'est ça la démocratie. Nous trouvons que le président de la République est très sérieux. Vous avez entendu qu'il est allé plus loin pour dire que parmi les Bagumnyawanga, il y a ceux qui peuvent diriger le Burundi. Nous pouvons dire que c'est ça la démocratie. De notre côté, nous sommes satisfaits. Vous vous souvenez, lors du référendum, il y a ceux qui disaient que la Constitution était montée de toutes pièces pour Nkurunziza, ce qui n'était pas le cas. Mais ceci vient de prouver que c'était des souhaits de certains Burundais. Il a même ajouté que même si les Bagumnyawanga le lui supplieraient, il ne pouvait pas revenir à sa décision. Il revient donc à son parti de trouver un autre candidat. Aimé Pascal Nahimana, président de MAC, était traduit en français par notre confrère Evariste Ndikobanyanga. Après une courte pause, page musique au rendez-vous. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Je vous le disais donc tout à l'heure, accident de roulage ce vendredi de l'artiste et chanteur burundais Désiré Mugani, connu sous le sobriquet de Big Fizzo, selon son agent. Sa voiture au bord de laquelle se déplaçaient 5 personnes, y compris le chanteur, a eu un accident dans la commune de Provence Kayanza. Khaïssa Inina Hazgué précise que tout le monde y est sorti sain et sauf et rassure que le programme de concert de ce chanteur reste inchangé. Suivez Khaïssa Inina Hazgué qui a été jointe au téléphone par Placide Niyomongere. C'était hier dans l'après-midi. Il se rendait dans la province Tongodi où il avait un concert. Il a eu un accident exactement dans la commune de Kayanza, à quelques kilomètres du centre de Kayanza. Sa voiture s'est renversée, mais je tiens à rassurer tous les Burundais, tous les fans de Big Farias, qu'il va très bien avec les 4 personnes qui étaient avec lui. Tout le monde va bien, à part le chauffeur qui est blessé juste au niveau de la main, mais rien n'est grave. Vous étiez tout près de lui, est-ce qu'il est animé? Il est comment aujourd'hui? Comme tout être humain, après un tel accident, il doit avoir des questions à se poser et un peu calme, c'est pas grave, nous savons très bien que ça va passer. On connaît qu'il y avait une série de concerts qu'il allait animer, est-ce que les fans pouvaient être rassurés que ces concerts vont poursuivre? Je rassure tout le monde, il va faire tous ses concerts. Ce soir, on sera à Kayanza et le 31, on sera à Lumonge. Page sportive pour terminer cette édition. Distribuer les équipements de tennis de table dans les établissements scolaires et dans les prisons. Tels sont les projets de la Fédération de tennis de table au Burundi. Le président de cette association l'a dit ce samedi. C'était lors du lancement officiel du championnat de tennis de table édition 2018-2017. Honorable Ali Boukoumbanya appelle la jeunesse burundaise à s'impliquer dans le domaine de sport, surtout le tennis de table dans cette période de vacances. Suivez-le, il s'entretenait avec notre confrère Jean-Marie Vianenge Nakumana. Nous avons pris l'initiative, l'objectif de faire chaque année une compétition nationale qui rassemble toutes les provinces. D'après la loi du sport, il est prévu que chaque province soit associée à une association. Nous devrions avoir 17-18 associations, mais pour le moment, il y a des provinces qui ne sont pas déjà avec nous. Donc aujourd'hui, toutes ces associations sont rassemblées ici à Bujumbura et nous avons un effectif d'autour de 150 enfants. Pourriez-vous nous parler des réalisations pour promouvoir ce discipline de tennis de table ici au Burundi? Nous avons pu faire au mois de juillet-août une sortie à la République populaire de Chine où nous avons envoyé 4 joueurs. Et ces joueurs ont suivi le stage pour entraîneur et en même temps le stage pour amélioration du jeu. Ils ont fait donc 2 mois. Et nous avons pu avoir aussi, avec le mois d'octobre-novembre 2018, 2 sorties à la République démocratique du Congo, à Kinshasa. Nous voulons faire la promotion des plus jeunes parce que c'est l'avenir de notre sport. Et qu'est-ce que vous comptez faire pour promouvoir le tennis de table dans notre pays? Nous avons opté pour cette année qui vient, cette année 2019 et les années qui suivent, de faire la promotion de tennis de table. Cela sera possible grâce aux dons que nous avons eu de l'ambassade de Chine. Nous allons donner à quelques populations cibles où nous avons beaucoup de personnes, notamment dans les écoles. Nous avons aussi prévu de donner aux prisons des tables. Quel est votre appel à la jeunesse? L'appel que vous pouvez faire à la jeunesse, venir suivre le jeu de tennis de table, comme les autres jeux aussi. Nous avons constaté que les enfants des élèves, ça donne à tous les mots. Et c'est par cette page sportive que nous mettons un point final à cette édition. Je dis merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Aimé Toussaint Mitebouti. Eli Nibel Nibigila, c'était la présentation, mais avant de vous quitter, je vais juste vous souhaiter félicitations à Issa Joseph Rurabi Yaka et Nam Yandaikeje qui se disent oui pour la vie aujourd'hui. Félicitations donc à ce couple. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée, mais tout de suite, je cède la place à Francine Ndihokubwa et Jean Bosco Nduimana pour la revue de la presse. Au revoir. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon votre zone d'écoute. Ouvrons cette revue de presse par le journal Iwachu, qui revient sur la déclaration de la conférence des évêques du Burundi, lue dans toutes les églises catholiques le jour de Noël. Peur dans le pays, non-respect de certaines libertés, méfiance entre les politiciens, etc. Des inquiétudes soulevées par les évêques suscitaient des réactions que nos confrères partagent aux lecteurs d'Iwachu. Dans son tweet daté mercredi 26 décembre, rapporte Iwachu, Willy Nyami Twé, conseiller principal en charge de la communication à la présidence de la République, affirme qu'ils sont aussi sujets à des fausses perceptions sur le Burundi et de déplorer que l'histoire du Burundi et de la région des Grands Lacs est malheureusement jonchée de faux pas de leur part. Pour Tassien Sibomana, acteur politique de la coalition des indépendants Amizero ya Barundi, ce message est d'une importance capitale à plus d'un titre, notamment au vu du pourcentage de la population chrétienne qu'ils encadrent spirituellement et cadrent bien avec le contexte actuel. De son côté, Kefa Niwizi, président du parti Sawanya Frodebou Nyakuri, estime normal que des évêques aient à dire sur la gouvernance du pays. C'est leur droit. Ils rejettent néanmoins toute idée de manque de confiance entre les politiciens. Nos confrères du journal Iwachu terminent cette série de réactions par celle de Pierre Claver Nahimana, président du parti Sawanya Frodebou, qui estime que les évêques ne peuvent pas faire une déclaration sans preuve, sans avoir mené leurs propres investigations. À ceux qui les accusent de se mêler dans la politique, il souligne qu'il est très difficile de faire le point sur la vie du pays sans parler de la politique. Par ailleurs, conseille-t-il, l'Église catholique est ayant une assise dans le pays, les Burundais devraient se servir de ces déclarations pour améliorer la situation sociopolitique du pays, rapporte Iwachu. Les coopératives agricoles burundaises invitées à s'acquitter de leurs obligations fiscales, c'est un appel repris dans la parution de cette semaine par le journal Burundi Echo, un appel lancé par l'Office burundais des recettes en collaboration avec l'Union Aguruka des coopératives multifilières à l'occasion d'un atelier de sensibilisation des responsables de ces coopératives sur les obligations fiscales organisée jeudi 20 décembre 2018. Ce confrère rapporte qu'on a noté qu'il y a un déficit au niveau de l'information sur le cadre légal régissant les coopératives au Burundi et surtout des obligations fiscales des coopératives agricoles. Les représentants de l'OBR ont précisé aussi les facilités accordées par la loi, notamment l'exonération des coopératives sur une période de 5 ans, après quoi elles doivent payer les impôts et les taxes. Revue de la presse. L'agence burundaise de presse écrit sur le suicide d'un jeune homme en zone Kigwena. Ce jeune homme d'entre 23 et 25 ans s'est donné la mort la soirée du 25 décembre sur la colline Nyakuguma. Le témoignage du chef de zone, repris par notre confrère, précise que la cause remonte à une requête du jeune homme qui a demandé à son père de vendre un lopin de terre afin de lui donner de l'argent qui lui permettrait de s'expatrier en Afrique du Sud pour y chercher du travail. Son père lui a répondu qu'il doit d'abord consulter toute la famille, mais le jeune homme s'est emporté et s'est suicidé par la suite. L'ABP rapporte aussi le clin d'œil fait aux jeunes de Kigwena par cette autorité qui interpelle la conscience des jeunes à ne pas vouloir appauvrir leur famille de cette façon, mais de travailler chez eux où des gens venus d'autres provinces ont réussi à s'offrir une stabilité financière enviable. Jeunesse et innovation, un blogueur Yaga écrit sur le parcours d'un certain Cyprien Sabimana qui, après avoir décroché un diplôme A2 à la fin de ses études à Bujumbura en section juridique, est retourné chez lui dans sa province natale de Makamba pour chercher une occupation en attendant d'être embauché dans le formel. Pendant cette attente, le jeune homme fait une formation en guérison des traumatismes des enfants et adultes et décroche un certificat de facilitateur et formateur. Après cela, d'autres jours passent sans avoir une promesse de travail. Cyprien décide alors de tourner le regard sur une autre chose pour créer son propre emploi, sans toutefois attendre un boulot qui concorde avec les études qu'il avait faites. Ainsi naquit l'association Unité de fabrication des savons Terimbere, conclut ce blogueur Yaga. Et c'est par là que nous bouclons cette revue de presse présentée par Francine Ndeokubgayo et Jean Bosco Nduimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.